y a un passage, Annie Lebrun, un extrait de votre livre Du trop de réalité, que j'aimerais vous demander de lire. Je voudrais seulement n'avoir pas parlé pour quelques-uns une langue étrangère. Ce serait le signe que n'ont pas encore complètement triomphé ceux qui, prétendant gérer nos goûts et nos rêves, forment désormais une nomenclatura culturelle avec son pouvoir, ses privilèges et son impunité. Quant aux exceptions, il me paraît bien difficile d'en trouver dans un temps où il n'est plus d'intellectuel à pouvoir même concevoir l'honneur de refuser la Légion d'honneur. Restent bien sûr les poètes et les artistes, mais à voir les uns et les autres se bousculer à la mangeoire pour attraper prix, décorations et autres babioles avilissantes, cela n'est malheureusement pas une autre histoire. Alors on va parler politique avec vous aujourd'hui, Annie Lebrun. Vous avez écrit un livre sur la catastrophe yougoslave, ça s'appelle « Les assassins et leur miroir » publié chez Jean-Jacques Pauvert au Terrain Vague en 1993. Chez Jean-Michel Place en 1996, paraît de vous statu coup coupé sur le racisme le plus brutal qui se pare du nom de multiculturalisme et de tous les appâts des revendications identitaires. Vous préfacez également le manifeste de Una Bomber, L'avenir de la société industrielle chez Jean-Jacques Pauvert aux éditions du Rocher en 1996. Alors dans vos deux derniers livres, Du trop de réalité et de l'éperdu paru chez Stock, voilà ce que vous dites, page 27. Je cite donc Du trop de réalité. Comment ne pas être frappé par la simultanéité de cette entreprise de ratissage de la forêt mentale avec l'anéantissement de certaines forêts d'Amérique du Sud sous le prétexte d'y faire passer des autoroutes? Et comment douter qu'à la rupture des grands équilibres biologiques qui s'en est ensuivie ne correspond pas à une rupture comparable des grands équilibres sensibles dans lesquels notre pensée trouverait encore à se nourrir? Et une des questions que j'aime énormément et infiniment qui se pose dans ces deux livres, c'est que effectivement la disparition par exemple des baleines bleues, le maïs transgénique et la criminalité grandissante, l'atteinte aux êtres humains et à leur pensée, c'est au fond la même chose, c'est la marque que la mort avance. Oui, alors ça explique un peu la réticence que j'ai eue depuis toujours à l'égard des théories qui se veulent exclusivement politiques. Parce que justement, aussi rigoureuses soient-elles, sont toujours des démarches rationnelles et de ce fait, elles ne veulent pas tenir compte, elles ne tiennent pas compte de ce qui se passe dans le domaine sensible. Et puis d'abord, d'un autre côté, très souvent, quand il y a une théorie exclusivement politique, ça suppose, dans le fond, une croyance à l'histoire que je n'ai pas. Et aussi, ça suppose le fait de ne pas tenir compte, justement, de cette splendide remarque de Breton hein, qui disait « L'histoire tombe au dehors comme la neige ». Devant ce qui est en train de se mettre en place, moi je suis frappée et même un peu consternée par la réflexion politique en général qui me paraît démunie, qui me paraît ne pas être à la mesure de ce qui se passe et parce que j'ai l'impression que de plus en plus, le jeu se joue ailleurs que là où on voudrait nous le faire croire. Et que les refrains qu'on a aujourd'hui sur la citoyenneté, sur toutes ces histoires, tout ça, c'est encore des choses pour endormir. Et c'est une rhétorique anachronique qui sert à cacher que, par exemple, depuis 15 à 10 ans, il y a un nouveau phénomène et qui est le fait que la sphère culturelle, que le domaine qui était réservé jusqu'à présent de la sensibilité fait l'objet de tous les investissements, de toutes les convoitises de la part des différents pouvoirs. Et c'est pour ça que je fais ce parallèle entre la dévastation des forêts amazoniennes et la dévastation de la forêt mentale, parce qu'on a pu en arriver à se demander si des discours et si même des réflexions tout à fait respectables comme la réflexion écologique ne sert pas non plus à cacher ce qui se fait ailleurs, par exemple en matière culturelle. Parce que quand on nous parle de biodiversité des espèces, de la même façon, il faudrait voir s'il n'y a pas des espèces intellectuelles en voie de disparition. Et j'ai bien l'impression qu'il y a des espèces aussi menacées que, par exemple, la grande baleine bleue à laquelle vous avez fait allusion, et que ce sont les révoltés. Page 30 du trop de réalité. Vous dites inconsciemment, chez la plupart, la culture n'est en fait reconnue que pour se présenter comme la plus élégante fonction d'aveuglement. Sa légitimité se fonde même le plus souvent sur la nécessité de donner du style à ce qui ne peut avoir d'allure, mais jamais encore la société n'en avait si manifestement utilisé toutes les ressources pour conformer le destin de chaque être à une réalité épurée du moindre élément qui pourrait la mettre en doute. Et vous continuez en disant « D'action culturelle en théorie esthétique, la seule gloire des 10 dernières années sera de nous avoir montré les progrès fulgurants accomplis dans ce genre de ravage. » On cherche à pulvériser, à casser les derniers retranchements de l'individualité. Absolument. Qu'à travers ça, et c'est pas quand je dis ça, c'est pas, je pense pas à quelque chose de ce que les gens appellent de façon ridicule le petit jardin secret, c'est pas du tout non, ça. C'est que à travers cette occupation du monde sensible des gens, on les contrôle jusqu'au bout, et on les contrôle en cassant la cohérence sensible qui est celle de chaque être. Et ça, c'est très grave. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus cette cohérence sensible, c'est les repères qui disparaissent. Le problème, ce n'est pas la crise des valeurs dont on nous rebat les oreilles. Ce n'est pas ça. C'est qu'on est en train... Au contraire, des valeurs, il y en avait vraiment énormément, beaucoup trop. Il y en avait beaucoup trop. C'est très bien qu'elle soit par terre. Mais ce qui est en train d'être démoli, c'est la cohérence sensible des êtres, et ça, c'est très grave. Et concrètement, il y a des voix qui ne peuvent plus se faire entendre, qui sont noyées au fond dans une espèce de massification. Il y a une espèce de censure molle qui est en train de se mettre en place. Il s'agit de tout mettre. Justement, c'est ce que j'ai appelé, parce que déjà d'autres personnes ont repéré ça, c'est cette censure par excès. Il s'agit de mettre en circulation, puisque c'est ça maintenant le modèle du réseau, les choses doivent circuler, l'important c'est que ça circule. Donc il s'agit de mettre en circulation le plus d'éléments possibles pour encore plus brouiller les pistes, mais en brisant systématiquement la cohérence qu'il pouvait y avoir entre les différents éléments. Dans le fond, toutes les opérations culturelles sont comme ça. On met les choses en mouvement, de sorte à ce qu'elles soient interchangeables. Donc l'opération du même, là, continue ses ravages. Oui, la culture en devient le moteur. Et en même temps, c'est aussi remarquable qu'il y a eu tout ce mouvement tout à fait nécessaire contre l'alimentation industrielle. Mais je pense qu'il serait temps qu'on prenne conscience que si on vous donne à manger de la saloperie, ce qu'on vous donne à lire ou ce qu'on vous propose également, culturellement, c'est de la même saloperie que le poulet aux hormones, que le crabe reconstitué. C'est ça qu'on vous donne maintenant sous prétexte de culture. Donc c'est le triomphe de l'indifférence. C'est le triomphe de l'indifférenciation. Oui, de l'indifférenciation pour produire justement produire un monde de ce monde de la différence où justement tout est indifférent. Justement, moi j'aimerais bien qu'on reprenne le titre de votre livre, Du trop de réalité. C'est quoi cette réalité qui n'en est pas une et qui en même temps est trop présente et en même temps qui n'est pas de l'ordre du tout de la réalité? parce que c'est en même temps c'est une fausse réalité naturellement. Bien sûr, mais dont on parle. Alors, c'est assez intéressant de voir que tout est faux dans cette histoire. Non, on assiste à une occupation, à un ratissage de l'espace imaginaire, c'est ça. Donc on vous remplace et on essaye de vous refiler, c'est ça qui est tout à fait incroyable, c'est que, vous voulez des rêves, vous voulez ça, à la place de l'imaginaire, on est en train de vous refiler le virtuel. On fait en sorte que le consommateur ne se rende pas compte que le virtuel est dans le fond obtenu par simple simulation. Donc à la fois, on vous redonne à manger le même. On vous redonne c'est à consommer le même. J'aime beaucoup cette expression, le pléonasme. Mais oui, toute la culture actuelle n'est qu'un immense remake de tout ce qui a existé, parce que à la place de culture, vous avez maintenant une banque de données. Dans le fond, c'est ça. C'est aussi ce à quoi aboutissent les grands projets comme les bibliothèques nationales de France, tous les trucs comme ça. On vous donne des banques de données. Et avec ça, vous allez appuyer sur vos boutons, vous allez pouvoir faire vos lectures, vos relectures, et ça va être toujours les mêmes choses qui vont repasser. Et sous prétexte d'innovation, on assiste à l'utilisation de banques de données, donc au pillage de choses qui ont existé, mais qu'on désamorce complètement. Donc, de ce fait, on va... C'est la même chose, mais sans le corps, sans la pensée, sans la flamme. C'est ça. Qui ont vous avez ce que Breton appelait il y a des années, ouais, la survivance du signe à la chose signifiée. Donc, on vous donne des signes et vous consommez des signes. Et c'est merveilleux. Et c'est exactement... D'ailleurs, c'est exactement la même chose dans la nourriture. Parce qu'en général, quand vous allez dans un supermarché, vous avez sur le paquet, machin, vous voyez saumon, vous voyez un saumon frétillant et dont la queue remonte, etc. Saumon du Pacifique, de je ne sais quoi. Dans le fond, ce que la plupart du temps, ce qu'on vous donne à manger, c'est du caoutchouc. Oui. Un peu ramolli, c'est mais d'ailleurs, c'est quand même du saumon à qui on refile des farines animales. Mais vous avez le nom. Vous avez le nom. Et ça, c'est très important. Ouais. Donc, vous avez le signe. Hein. C'est pour ça aussi que... il me semble que la plupart des analyses politiques me paraissent assez anachroniques parce que justement, elles sont complètement démunies devant ce genre de nouveaux phénomènes. Et en particulier, il y a quelque chose, à mon avis, de très grave qui se passe avec le langage. J'ai parlé d'une sorte de retournement du langage au sens policier du terme, oui. C'est-à-dire tout d'un coup, les mots nous font défaut, les mots nous manquent. Mais nous manque au sens où un ami nous manque, hein, ou quelque chose vous manque. Les mots qu'on croyait signifier quelque chose ne signifient plus rien. Ou pire, ils signifient le contraire de ce qu'on croyait. Et là, il y a quelque chose de très grave. On est encore dans la destruction de la cohérence sensible. Parce que si on vous donne à manger du poulet qui n'en est pas, du saumon qui n'en est pas, et des mots, et si vous, pour vous exprimer, si vous n'avez plus que des mots qui renvoie à ce qui n'est pas. Parce que, par exemple, quand on vous parle de déontologie, c'est sûr que derrière, il y a les pires entourloupes. Bien sûr. Donc, quels sont les repères ? Il n'y a plus de repères. Et ça, c'est quelque chose de... En plus, ne parlons pas de la déstructuration de la phrase, de la simplification du langage, qui est un langage... Enfin, le langage même qu'on peut lire dans la plupart des livres... C'est des phrases d'une pauvreté, d'une pauvreté de construction consternante. La misère. C'est la misère. Donc on voit bien aussi qu'on va vers une sorte d'appauvrissement de la pensée. Et il faut dire que dans ces conditions, effectivement, que si, étant donné l'avis qu'on nous propose et les fonctions et les différentes activités fragmentées qui nous sont proposées, loisirs et autres, que effectivement, on n'a pas beaucoup besoin d'un langage plus sophistiqué, ni d'une construction de phrases un peu plus riche, parce que c'est vraiment le vocabulaire basique, comme on dit, suffit à décrire le monde dans lequel nous vivions. Il faut se souvenir que Breton, à un moment, posait cette question la médiocrité de notre univers ne dépend-elle pas essentiellement de notre pouvoir d'énonciation ? Vous écrivez ceci dans du trop de réalité. Avec le naturel des saisons qui reviennent chaque matin, des enfants se glissent entre leurs rêves. La réalité qui les attend, ils savent encore la replier comme un mouchoir. Rien ne leur est moins lointain que le ciel dans les flaques d'eau. Alors pourquoi n'y aurait-il plus d'adolescents assez sauvages pour refuser d'instinct le sinistre avenir que leur prépare? Pourquoi n'y aurait-il plus de jeunes gens assez passionnés pour déserter les perspectives balisées qu'on veut leur faire prendre pour la vie? Pourquoi n'y aurait-il plus d'êtres assez déterminés pour s'opposer par tous les moyens au système de crétinisation dans lequel l'époque puise sa force consensuelle? Et en réalité, c'est vrai que, par exemple, maintenant, le rêve est donné comme étant à portée de tout le monde. Vous le fabriquez, il y a une espèce de Disneylandisation de l'imagination. Ah oui, c'est absolument ça. Et c'est pour ça aussi que je pense que aujourd'hui, toute réflexion sur le monde dans lequel nous vivons doit être par nature analogique. Parce qu'il s'agit de bien voir que ce qui se passe, par exemple pour le corps, se passe pareillement pour l'esprit, qu'on est en train de contrôler tous les paysages, que ce soit le paysage urbain, que ce soit le paysage mental, que ce soit les paysages naturels. Il y a une mainmise de plus en plus grande qui se fait au gré d'une rationalisation forcenée et en même temps d'une objectivation et d'une matérialisation qui tend à se substituer à l'imaginaire. Avec, bien sûr, le corollaire qui a son importance, c'est que c'est le prélude à l'ouverture d'une multitude de nouveaux marchés. Dans le fond, comme par hasard, il se trouve qu'on se trompe toujours, mais on se trompe toujours en étant du côté du pouvoir. Donc à ce propos, la non-révolte de la classe intellectuelle qui justement maintenant semble de plus en plus en collusion et en connivence avec le pouvoir est aussi une donnée dramatique de ce temps. Oui, je me demande en vous écoutant si ce n'est pas non plus le prélude à une nouvelle criminalité, parce que cet excès de maîtrise qui se donne partout et qui contrôle absolument tout peut en même temps avoir un revers absolument sauvage. Enfin, ça, on le voit avec justement les différentes manifestations de la violence qui sont complètement déconnectées de toute réflexion, de toute pensée. Et tout d'un coup, il y a plus que des flambées de violence, des explosions de violence. Des formes de brutalité nouvelle. Et en particulier, ce qui a été déjà repéré, par exemple, cette criminalité des serial killers, des tueurs en série. En général, le profil de ces gens-là sont des gens, justement, qui sont absolument conformes à ce que ce monde a voulu, qui sont pas des marginaux, tout sauf des marginaux, en particulier aux États-Unis, ce sont des pères de famille parfaitement intégrés qui n'ont jamais fait parler d'eux, et puis un jour ils arrivent, ils descendent tout le monde dans leur entourage, et là il y a quelque chose de très grave, parce que c'est le retour du négatif, mais de la façon la plus sanglante, la plus incontrôlée. Et là, cette société soi-disant consensuelle, d'où le négatif est complètement exclu, doit s'attendre à des, c'est pas des retours de bâton, mais à des catastrophes d'envergure. Comme ce monde de fausseté repose aussi sur la liquidation du corps, on ne peut pas continuellement nier le corps. Le corps et la violence qui l'habite revient. Hein, c'est toujours le retour du refoulé. Il revient de façon d'autant plus inquiétante qu'on n'a pas voulu s'en inquiéter. Alors, rationalité de l'incohérence, stérilisation biologique qui coïncide avec la stérilisation culturelle, ça c'est votre thème, c'est même le thème de ce livre. Du trop de réalité, Annie Lebrun, paru chez Stock. Peut-être que vous pourriez nous en lire un passage, justement. Et pour qui voudrait se représenter de quelle façon est en train de se transformer un monde de plus en plus investi par le vivant stérile, la sacralisation universelle du sport, justement en dépit des affaires concernant l'argent sale qui le fait fonctionner, en donne une idée hautement significative. La rationalité de l'incohérence règne déjà en maître sur ces masses, parquées dans les stades par des dispositifs de police, mais multipliés à l'infini sur les écrans de télévision, prêtes à tuer et s'entretuer à l'occasion d'un affrontement aussi fictif que répétitif, agglutiner jusqu'à déborder ces espaces clos où vient se concentrer tout le sordide du monde sous le masque abject des bons sentiments. La voilà, l'unique métaphore d'un temps sans métaphore où le trop de réalité n'a d'autre fonction que son automusculation proliférante. Seulement, on se tromperait beaucoup à la placer aux antipodes du grand battage culturel. Elle en est le complément, sinon le modèle. Comme il a été attenté au corps des sportifs pour en faire des organismes programmés pour la répétition, il y va d'une agression comparable contre l'esprit afin d'y susciter la même soumission à un monde où le corps comme les idées sont condamnés à la même insignifiance. Il faut y voir le désastreux triomphe de la pensée célibataire qui nous gouverne, pensée de l'efficacité qui n'a Dieu que pour elle-même, pensée de la manipulation qui prétend se préserver de tout ce qui n'est pas elle, pensée de la stratégie qui n'a d'autre fin que d'imposer sa solitude pour prévenir tout embrasement passionnel. Le 17 mai 1914, Freud écrivait à Ernst Jones « Celui qui permettra à l'humanité de la délivrer de l'embarrassante suggestion sexuelle, quelque bêtise qu'il choisisse de dire, sera considéré comme un héros. » Ce héros ne s'est pas manifesté, mais notre société tout entière a pris en charge le beau projet d'une désérotisation généralisée, proposant au désir la myriade de ses substituts. Telle est vraisemblablement une des principales raisons pour lesquelles la plupart semblent si heureux de leur servitude comme du moralisme qui les y confine chaque jour un peu plus. Pour s'opposer à ce bonheur dans la soumission en train de s'imposer en art de vivre, ne reste que les rares êtres qui, d'instinct, lui échappent. Uniquement grâce à leur refus farouche de prêter le moindre sérieux à un monde de plus en plus grotesque, il n'est peut-être pas encore complètement impossible de respirer. Y aurait-il même des mots, des idées, des lieux que cette pensée célibataire n'a pas réussi à neutraliser complètement? Il dépend de chacun d'aller les lui reprendre sauvagement. Telle est la nouvelle reprise individuelle qui attend ceux qui se souviennent des travailleurs de la nuit. Si quelque chose peut encore commencer, ce qui n'est pas forcément probable, c'est uniquement par ce sabotage passionnel.